La marquise de Brinvilliers. Sixième partie. C'était, dit-il, une femme naturellement intrépide et d'un grand courage. Elle paraissait née d'une imagination assez douce et fort honnête, d'un air indifférent à tout, d'un esprit vif et pénétrant, concevant les choses d'une façon fort nette et les exprimant juste et en peu de paroles, mais très précises, trouvant sur le champ des expédients pour sortir d'une affaire difficile et prenant tout d'un coup son parti dans les choses les plus embarrassantes. Légère au reste, et ne s'attachant à rien, inégale, et ne se soutenant pas, se rebutant quand on lui parlait souvent d'une même chose. Et c'est ce qui m'obligea, continue le docteur, de diversifier de temps en temps celle que je lui dis pour ne la tenir que peu sur un sujet que je faisais cependant revenir aisément en lui donnant une nouvelle face et en le proposant d'un nouveau tour. Elle parlait peu et assez bien, mais sans étude et sans affectation, se possédant parfaitement, toujours présente à elle-même, et ne disant que ce qu'elle voulait bien dire. Nul ne l'eût prise à sa physionomie ni à sa conversation pour une personne aussi maligne qu'il a paru qu'elle l'était par l'aveu public de son parricide. Aussi, est-ce une chose surprenante et où il faut adorer le jugement de Dieu quand il abandonne l'homme à lui-même, qu'une âme qui avait de sa nature quelque chose de grand, d'un sang-froid aux accidents les plus imprévus, d'une fermeté à ne s'émouvoir de rien, d'une résolution à attendre la mort, et à la souffrir même, s'il lui était nécessaire, et était capable d'une aussi grande lâcheté que celle qui se trouve dans l'attentat parricide qu'elle a confessé au juge. Elle n'avait rien dans le visage qui menaçât d'une si étrange malice. Elle était d'un poil châtigné et fort épais. Elle avait le tour du visage rond et assez régulier, les yeux bleus, doux et parfaitement beau, la peau extraordinairement blanche, le nez assez bien fait, nul trait désagréable, mais rien à tout prendre qui pût faire passer son visage pour fort séduisant. Il avait déjà quelques rides et marquait plus d'années qu'elle n'avait réellement. Quelque chose m'obligea à lui demander son âge dans le premier entretien. « Monsieur, me dit-elle, si je vivais jusqu'au jour de la Madeleine, j'aurais 46 ans. Je vins au monde ce jour-là, et j'en porte le nom. Je fus appelée au baptême Marie Magdeleine. Mais si près que nous soyons de ce jour, je ne vivrai pas jusque-là. Il faut finir aujourd'hui, ou demain au plus tard, et c'est une grâce qu'on me fera de différer d'un jour. Et cependant, je m'attends à cette grâce sur votre parole. » On lui aurait donné à la voir 48 ans. Si doux que parut son visage naturellement, quand il lui passait quelque chagrin au travers de l'imagination, elle le témoignait par une grimace qui pouvait d'abord faire peur, et de temps en temps, je m'apercevais de convulsions qui marquaient de l'indignation, du dédain et du dépit. J'oubliais de dire qu'elle était fort petite de taille et fort menue. Voici à peu près la description de son corps et de son esprit que je reconnus en peu de temps, m'étant tout d'abord appliqué à l'observer pour me conduire ensuite selon ce que j'aurais remarqué. Au milieu de cette première esquisse de sa vie qu'elle traçait à son confesseur, la marquise se souvint qu'il n'avait pas encore dit la messe et l'avertit elle-même qu'il était temps de la dire, lui indiquant elle-même la chapelle de la conciergerie et le priant de la dire à son intention et en l'honneur de Notre-Dame afin d'obtenir pour elle auprès de Dieu l'intercession de la Vierge qu'elle avait toujours prise pour patronne et à laquelle, au milieu de ses crimes et de ses dérèglements, elle n'avait point cessé d'avoir une dévotion toute particulière. Et comme elle ne pouvait descendre avec le prêtre, elle lui promit au moins d'y assister en esprit. Il était 10h30 du matin lorsqu'il la quitta, et depuis 4 heures seulement qu'ils conversaient ensemble, il l'avait conduite, à l'aide de sa tendre piété et de sa douce morale, à des aveux que n'avait pu tirer d'elle les menaces des juges et la crainte de la question. Aussi dit-il saintement et dévotement sa messe, priant le Seigneur d'aider de la même force le confesseur et le patient. En rentrant chez le concierge et après la messe dite, comme il prenait un peu de vin, il apprit d'un libraire du palais nommé Senet, qui se trouvait là par hasard, que Madame de Brinvilliers était jugée et qu'elle devait avoir le poing coupé. Cette rigueur des conclusions qui, au reste, fut adoucie dans l'arrêt, lui inspira un intérêt plus grand encore pour sa pénitente, et il remonta à l'instant auprès d'elle. Aussitôt qu'elle vit la porte s'ouvrir, elle s'avança avec sérénité au-devant de lui et lui demanda s'il avait bien prié pour elle. Et quand le prêtre le lui eut assuré, « Mon père, lui dit-elle, n'aurais-je pas la consolation de recevoir le viatique avant de mourir ?»« Madame, répondit le docteur, si vous êtes condamnée à mort, vous mourrez assurément sans cela, et je vous tromperais si je vous faisais espérer cette grâce. Nous avons vu dans l'histoire mourir un connétable, et c'est le connétable saint Paul, sans pouvoir obtenir cette faveur, quelques instances qu'il fit pour n'en être pas privé. Il fut exécuté en grève à la vue des tours de Notre-Dame. Il fit sa prière comme vous pourrez faire la vôtre si le même sort vous attend. Mais voilà tout. Et dans sa bonté, Dieu permet que cela suffise. Mais, reprit la marquise, il me semble, mon père, que messieurs de Saint-Mars et de Toux avaient communié avant que de mourir. Je ne crois pas, répondit le docteur, car ce n'est ni dans les mémoires de mon trésor, ni dans aucun autre livre qui raconte leur exécution. Mais monsieur de Montmorency, dit-elle. Mais monsieur de Marillac, répondit le docteur. Effectivement, si cette faveur avait été accordée au premier, elle avait été refusée au second, et l'exemple frappa d'autant plus la marquise que monsieur de Marillac était de sa famille et qu'elle tenait cette alliance à grand honneur. Sans doute elle ignorait que monsieur de Rohan eût communié dans la messe de nuit que dit pour le salut de son âme le père Bourdaloue, car elle n'en parla point et se contenta, sur la réponse du docteur, de pousser un soupir. D'ailleurs, continua celui-ci, quand vous me rapporterez, madame, quelque exemple extraordinaire, n'y faites pas fond, s'il vous plaît. Ce sont des exceptions et non pas des lois. Vous ne devez point vous promettre de privilèges. Les choses suivront, à votre égard, le cours ordinaire, et il sera fait pour vous, comme pour les autres condamnés. Que serait-ce donc si vous étiez née et morte au temps de Charles VI? Jusqu'au règne de ce prince, les coupables mouraient sans confession, et ce fut par l'ordre de ce roi seulement que l'on se relâcha de cette dureté. Au reste, madame, la communion n'est point absolument nécessaire au salut. Et d'ailleurs, on communie spirituellement en lisant la parole, qui est comme le corps, en s'unissant à l'Église, qui est la substance mystique du Christ, et en souffrant pour lui et avec lui cette dernière communion du supplice, qui est votre partage, madame, et la plus parfaite de toutes. Si vous détestez votre crime de tout votre cœur, si vous aimez Dieu de toute votre âme, si vous avez la charité et la foi, votre mort sera un martyr et comme un second baptême. Hélas, mon Dieu, reprit la marquise, d'après ce que vous me dites, monsieur, et puisqu'il fallait la main du bourreau pour me sauver, que serais-je devenue si j'étais morte à Liège? Et où en serais-je à l'heure qu'il est? Et quand même, je n'eusse point été prise, et que j'eusse vécu encore 20 ans hors de France, qu'eût été ma mort, puisqu'il ne fallait rien moins que l'échafaud pour la sanctifier? C'est maintenant que je vois tous mes torts, monsieur, et je regarde comme le plus grand, le dernier de tous, c'est-à-dire mon effronterie en face des juges. Mais rien n'est perdu encore, Dieu merci, et puisque j'ai un dernier interrogatoire à subir, j'y veux faire un aveu complet de toute ma vie. Quant à vous, monsieur, continua-t-elle, demandez particulièrement pardon pour moi à monsieur le premier président. Il m'a dit hier, pendant que j'étais sur la sellette, des choses fort touchantes et dont je me suis sentie tout attendrie. Mais je n'ai pas voulu le témoigner, car je pensais que mon aveu manquant, il n'y aurait pas contre moi de preuves assez fortes pour me condamner. Il en a été autrement, et j'ai dû scandaliser mes juges par la hardiesse que j'ai eue en cette rencontre. Mais je reconnais ma faute, et je la réparerai. Ajoutez, monsieur, que loin d'en vouloir à monsieur le premier président, du jugement qu'il prononce aujourd'hui contre moi, que loin de me plaindre de monsieur le premier greffier qu'il a sollicité. Je les en remercie tous deux, bien humblement, puisque mon salut en dépendait. Le docteur allait répondre pour l'encourager dans cette voie lorsque la porte s'ouvrit. C'était le dîner que l'on apportait, car il était déjà 1h30. La marquise s'interrompit, éveilla à ses apprêts avec autant de liberté d'esprit que si elle eût fait les honneurs de sa maison de campagne. Elle fit mettre à table les deux hommes et la femme qui la gardaient, et se tournant vers le docteur, « Monsieur, lui dit-elle, vous voulez bien qu'on ne fasse point de façon pour vous. Ces braves gens ont coutume de manger avec moi pour me tenir compagnie, et nous en userons de même aujourd'hui si vous le trouvez bon. C'est, leur dit-elle, le dernier repas que je ferai avec vous. » Puis, se tournant vers la femme, « Ma pauvre Madame Duru, ajouta-t-elle, il y a bien longtemps que je vous donne de la peine, mais un peu de patience encore, et bientôt vous serez défaite de moi. Demain, vous pourrez aller à Dravet, vous aurez assez de temps pour cela, car, 7 ou 8 heures venues, vous n'aurez plus affaire à moi, et je serai entre les mains de monsieur, et l'on ne vous permettra plus de m'approcher. De ce moment-là, vous pourrez donc partir pour vous en retourner, car je ne crois pas que vous ayez le cœur de me voir exécuter. » Elle disait tout cela avec une grande tranquillité d'esprit et sans aucune fierté. Puis, comme de temps en temps, ces gens se retournaient pour cacher leurs larmes, elle faisait un signe de pitié. Alors, voyant que le dîner restait sur la table et que personne ne mangeait, elle invita le docteur à prendre son potage, lui demandant pardon de ce que le concierge y avait mêlé du chou, ce qui en faisait une soupe commune et indigne de lui être offerte. Quant à elle, elle prit un bouillon et mangea 2 œufs, s'excusant auprès de ses convives de ce qu'elle ne les servait pas, mais montrant qu'on ne laissait à sa portée ni fourchette ni couteau. Vers le milieu du repas, elle pria le docteur de bien vouloir permettre qu'elle bût à sa santé. Le docteur répondit à cette demande en buvant à la sienne, et elle parut fort réjouie de cette condescendance. « C'est demain maigre, dit-elle en reposant son verre, et quoique demain soit pour moi un jour de grande fatigue, puisque j'aurai demain à subir la question et la mort, je ne prétends pas violer les commandements de l'Église en faisant gras. « Madame, répondit le docteur, si vous aviez besoin d'un bouillon pour vous soutenir, il ne vous en faudrait point faire scrupule, car ce ne serait point par délicatesse, mais par nécessité que vous l'aurez pris, et la loi de l'Église n'oblige point en ce cas. « Monsieur, reprit la marquise. Je n'en ferai pas de difficultés si j'en avais besoin et que vous me l'ordonnassiez. Mais cela sera inutile, je l'espère. Il n'y a qu'à m'en donner un ce soir, à l'heure du souper, et un autre plus fort que d'ordinaire, un peu avant minuit, et cela suffira pour passer demain, avec deux œufs frais que je prendrai après la question. Il est vrai, dit le prêtre dans la relation à laquelle nous empruntons tous ces détails, que j'étais épouvanté de tout ce sang-froid et que je frémissais en moi-même de lui voir si paisiblement ordonner au concierge que le bouillon fut plus fort ce soir-là qu'à l'ordinaire et qu'on lui en tînt deux tasses prêtes avant minuit. Le dîner fini, continue toujours M. Pirot, on lui donna du papier et de l'encre qu'elle avait demandé et elle me dit qu'auparavant de me faire prendre la plume pour me prier d'écrire ce qu'elle avait à me dicter, elle avait une lettre à faire. Cette lettre qui, disait-elle, l'embarrassait et après laquelle elle serait plus libre, était pour son mari. Elle marqua à ce moment une si grande tendresse pour lui que le docteur, après ce qui s'était passé, s'en étonna étrangement et, voulant l'éprouver, lui dit que cette tendresse qu'elle manifestait n'était point réciproque, puisque son mari l'avait abandonnée à elle-même pendant tout son procès. Mais alors, la marquise l'interrompit. « Mon père, lui dit-elle, il ne faut pas toujours juger les choses si promptement et sur les apparences. Monsieur de Brinvilliers est toujours entré dans mes intérêts et n'a manqué qu'à ce qu'il n'a pu faire. Jamais notre commerce de lettres n'a cessé tout le temps que j'étais hors du royaume. Et ne doutez point qu'il ne se fût rendu à Paris sitôt qu'il m'a su en prison, si ses affaires lui eussent permis d'y venir en sûreté. Mais il faut que vous sachiez qu'il est noyé de dettes et qu'il ne pouvait paraître ici sans que ses créanciers le fissent arrêter. Ne croyez donc pas qu'il soit insensible pour moi. » À ces mots, elle se mit à écrire sa lettre et lorsqu'elle l'eut achevée, elle la présenta au docteur en lui disant « Vous êtes maître, monsieur, de tous mes sentiments jusqu'à l'heure de ma mort. Lisez cette lettre, et si vous y trouvez quelque chose à changer, dites-le-moi. » Voici la lettre, telle qu'elle était. Sur le point que je suis d'aller rendre mon âme à Dieu, j'ai voulu vous assurer de mon amitié, qui sera pour vous jusqu'au dernier moment de ma vie. Je vous demande pardon de tout ce que j'ai fait contre ce que je vous devais. Je meurs d'une mort honteuse que mes ennemis m'ont attirée. Je leur pardonne de tout mon cœur et je vous prie de leur pardonner. J'espère que vous me pardonnerez aussi à moi-même l'ignominie qui pourra rejaillir sur vous. Mais pensez que nous ne sommes ici que pour un temps et que dans peu vous serez peut-être obligé d'aller rendre à Dieu un compte exact de toutes vos actions jusqu'aux paroles oiseuses, comme je suis présentement en état de le faire. Ayez soin de vos affaires temporelles et de nos enfants et leur donnez vous-même l'exemple. Consultez sur cela Madame Marillac et Madame Coustet. Faites faire pour moi le plus de prières que vous pourrez et soyez persuadés que je meurs tout à vous. D'Aubray. Le docteur lut cette lettre avec attention, puis il fit observer à la marquise qu'une des phrases qu'elle contenait était inconvenante. C'était celle qui avait rapport à ses ennemis. « Madame, lui dit-il, vous n'avez d'autres ennemis que vos crimes et ceux que vous appelez du nom de vos ennemis sont ceux qui aiment la mémoire de monsieur votre père et de messieurs vos frères, que vous devriez aimer plus qu'eux. Mais monsieur, répondit la marquise, ceux qui ont poursuivi ma mort ne sont-ils point mes ennemis? Et n'est-ce point un sentiment chrétien que de leur pardonner cette poursuite? Madame, répliqua le docteur, ce ne sont point vos ennemis, vous êtes l'ennemi du genre humain, et personne n'est le vôtre, car on ne peut penser à votre crime sans horreur. Aussi, mon père, répondit-elle, n'ai-je point de ressentiment contre eux, et voudrais-je voir en paradis les personnes qui ont le plus contribué à me prendre et à m'amener où je suis. Madame, dit le docteur, comment entendez-vous cela? On parle quelquefois ainsi lorsqu'on souhaite la mort des gens. Expliquez-vous donc, je vous prie. Le ciel me garde, mon père, de l'entendre de cette façon, répliqua la marquise. Dieu leur donne au contraire en ce monde une longue prospérité et dans l'autre un bonheur et une gloire infinie. Dictez-moi donc une autre lettre, monsieur, et je l'écrirai comme il vous plaira. Cette nouvelle lettre écrite, la marquise ne voulut plus penser qu'à sa confession, et elle pria le docteur de prendre la plume à son tour. Car, lui dit-elle, j'ai commis tant de péchés et de crimes, que si je faisais une simple confession verbale, je ne serais jamais sûre que mon compte fût exact. Alors, tous deux se mirent à genoux pour demander la grâce du Saint-Esprit, et après avoir dit un Veni Creator et un Salve Regina, le docteur se leva et s'assit devant une table. Tandis que la marquise, agenouillée, disait un Confiteor et commençait sa confession. À 9 heures du soir, le père Chavigny, qui avait amené le matin le docteur Pirot, entra. La marquise parut contrariée de sa visite. Cependant, elle le reçut avec un bon visage. « Mon père, lui dit-elle, je ne croyais pas vous voir si tard, mais je vous en prie, laissez-moi encore quelques instants avec monsieur. » Le père se retira. « Que vient-il faire ? » demanda la marquise en se retournant vers le docteur. « Il est bon, répondit le docteur, que vous ne restiez pas seul. » « Vous allez donc me quitter ? » s'écria la marquise, avec un sentiment qui allait jusqu'à la terreur. « Madame, je ferai ce qu'il vous plaira, répondit le docteur, mais vous me rendriez service si vous trouviez bon que je me retirasse chez moi pour quelques heures, pendant quoi le père Chavigny pourrait demeurer avec vous. « Ah, monsieur, s'écria-t-elle en se tordant les bras, vous m'aviez promis de ne me quitter qu'à la mort, et voilà que vous vous en allez. Songez que je vous ai vu ce matin pour la première fois, mais depuis ce matin, vous avez pris plus de place dans ma vie qu'aucun de mes plus anciens amis. « Madame, répondit le bon docteur, je ne veux rien que vous ne voudrez. Si je vous demande un peu de repos, c'est pour reprendre mon office demain, avec plus de vigueur, et vous rendre un service plus grand que je ne le ferai sans cela. Si je ne prends de relâche, tout ce que je pourrai dire et faire languira. Vous comptez sur l'exécution pour demain. Je ne sais si vous comptez juste, mais à vous prendre par vous-même, ce doit être demain votre grand jour, votre jour décisif, et vous et moi aurons besoin de toutes nos forces. Il y a déjà 13 ou 14 heures que nous sommes ensemble à travailler avec application à votre salut. Je ne suis pas d'un tempérament robuste, et vous devrez craindre, madame, si vous ne me donnez pas un peu de temps, que demain, je ne manque de force pour vous assister jusqu'au bout. « Monsieur, répondit la marquise, ce que vous dites là me ferme la bouche. Demain est pour moi un jour bien autrement important qu'aujourd'hui, et c'est moi qui avais tort. Il faut que vous preniez du repos cette nuit. » Achevons seulement cet article et relisons celui que nous avons écrit auparavant. Cela fait, le docteur voulut se retirer, mais comme on apporta le souper, la marquise ne permit pas qu'il sortît sans avoir pris quelque chose, et tandis qu'il mangeait un morceau, elle dit au concierge d'aller chercher un carrosse et de le mettre sur son compte. Quant à elle, elle avala un bouillon et mangea deux œufs. Un instant après, le concierge rentra et dit que le carrosse était prêt. La marquise prit alors congé du docteur en lui faisant promettre de prier pour elle et d'être le lendemain à 6 heures à la conciergerie. Le docteur lui en donna sa parole. Le lendemain, en rentrant à la tour, il trouva le père Chavigny qui l'avait remplacé près de la marquise, agenouillé avec elle et terminant une prière. Le prêtre pleurait, mais la marquise était toujours ferme et le reçut d'un visage égal à celui dont elle l'avait quitté. Aussitôt que le père Chavigny vit paraître le docteur, il se retira. La marquise se recommanda à ses prières et voulut lui faire promettre de revenir, mais le père ne s'y engagea point. Alors, la marquise allant au docteur, « Monsieur, lui dit-elle, vous êtes ponctuel et je n'ai point à me plaindre que vous me manquiez de parole. Mais mon Dieu, comme il y a déjà longtemps que j'aspire après vous, et que 6 heures ont tardé à sonner aujourd'hui. Me voici, madame, répondit le docteur, mais avant tout, comment avez-vous passé la nuit? J'ai écrit 3 lettres, reprit la marquise, qui, si courtes qu'elles soient, m'ont pris bien du temps. L'une à ma sœur, l'autre à madame de Marillac, la troisième à monsieur Coustet. J'aurais voulu vous les mettre sous les yeux, monsieur, mais le père Chavigny m'a offert de s'en charger, et comme il les avait trouvées bien, je n'ai pas osé lui faire part de mon scrupule. Après ces lettres écrites, continua la marquise, nous nous sommes un peu entretenus, nous avons un peu prié Dieu. Puis, comme le père a pris son bréviaire pour le dire, et moi mon chapelet à la même intention, je me suis sentie fatiguée et je lui ai demandé si je ne pouvais pas me jeter sur mon lit. Sur sa réponse affirmative, j'ai reposé 2 bonnes heures sans rêve et sans inquiétude. Puis à mon réveil, nous avons fait ensemble quelques prières qui s'achevaient comme vous entriez. « Eh bien, madame, dit le docteur, si vous le voulez, nous allons les reprendre. Mettez-vous à genoux et que nous disions « Le Veni Sancte Spiritus ». La marquise obéit aussitôt et dit la prière avec beaucoup d'onction et de piété. Puis la prière finie, comme M. Pirot s'apprêtait à reprendre la plume pour continuer d'écrire sa confession, « Monsieur, lui dit-elle, permettez qu'auparavant je vous soumette une question qui me tourmente. Hier, vous me donnâtes de grandes espérances dans la miséricorde de Dieu. Cependant, je n'ai point la présomption de penser que je puisse être sauvé sans que je reste un assez longtemps dans le purgatoire. Mon crime est trop atroce pour que j'en obtienne le pardon à une autre condition que celle-là. Et quand j'aurai encore un amour de Dieu bien plus grand que celui que je puis avoir, je ne prétendrai pas être reçu au ciel sans passer par le feu qui purifiera mes souillures et sans souffrir les peines qui sont dues à mes péchés. Mais j'ai ouï dire, monsieur, que la flamme de ce lieu où les âmes ne brûlent qu'un temps est pareille en tout point à celle de l'enfer où les damnés doivent brûler pendant l'éternité. Dites-moi donc, je vous prie, comment une âme qui se trouve en purgatoire au moment de la séparation d'avec le corps peut s'assurer qu'elle n'est point dans l'enfer et reconnaître que le feu qui la brûle, sans la consumer, finira un jour. Puisque le tourment qu'elle souffre est le même que celui des damnés et que les flammes qui la dévorent sont de la même qualité que celles de l'enfer. Je voudrais savoir cela, monsieur, pour ne point demeurer dans le doute à ce moment terrible et savoir du premier coup si je dois espérer ou désespérer. « Madame, répondit le docteur, vous avez raison. Dieu est trop juste pour ajouter la peine du doute à celle qu'il inflige. Au moment où l'âme se sépare du corps, il se fait un jugement entre Dieu et elle. Elle entend la sentence qui la condamne ou la parole qui l'absout. Elle sait si elle est en grâce ou en péché mortel. Elle voit si c'est en enfer que Dieu doit la jeter à tout jamais ou si c'est en purgatoire qu'il la relègue pour un temps. Cet arrêt, madame, vous l'entendrez au moment même où le fer du bourreau vous touchera. À moins que, déjà tout épuré dans cette vie par le feu de la charité, vous n'alliez, sans passer par le purgatoire, à l'instant même recevoir la récompense de votre martyr parmi les bienheureux qui entourent le trône du Seigneur. « Monsieur, reprit la marquise, j'ai une telle foi en vos paroles qu'il me semble que j'entends déjà tout ce que vous m'avez dit et que me voilà satisfaite. » Le docteur et la marquise se remirent alors à leur confession interrompue la veille. La marquise s'était rappelée pendant la nuit quelques articles qu'elle fit ajouter aux autres. Puis, ils continuèrent ainsi, le docteur s'arrêtant de temps en temps, quand les péchés étaient grands, pour lui faire dire un acte de contrition. Au bout d'une heure et demie, on vint la prévenir de descendre et que monsieur le greffé l'attendait pour lui lire son arrêt. Elle écouta cette nouvelle avec beaucoup de calme, demeurant sur ses genoux et retournant seulement la tête. Puis, sans aucune altération dans la voix, « Tout à l'heure, dit-elle, nous achevons un mot, monsieur et moi, et je suis ensuite tout à vous. » Elle continua effectivement, avec une grande tranquillité, à dicter au docteur la fin de sa confession. Lorsqu'elle crut être arrivée au bout, elle lui demanda de dire avec elle une petite prière pour que Dieu lui accordât, devant les juges qu'elle avait scandalisés, un repentir pareil à son effronterie passée. Puis cette prière dite, elle prit sa mante, un livre de prière que lui avait laissé le père Chavigny, et suivit le concierge qui la conduisit jusque dans la chambre de la question, où son arrêt devait être lu.